hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You are going to love one and hate the other. Are you getting this? Mm-hmm. It's love and hate that go together. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Verset 24, on a écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. You cannot serve two masters, said Jesus. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Et Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. You know, when God told Abraham, you cannot love Isaac and love me. Gott hat zu Abraham gesagt, du kannst nicht Isaac lieben und mich. Et Dieu a dit à Abraham, tu peux pas aimer ma personne et Isaac en même temps. Amen, your only son. Dein einzigen Sohn. Ton fils unique. Is it that your only son or me or the, your only son? Entweder dein einziger Sohn oder ich oder entweder dein einziger Sohn oder mich. Et Dieu lui a dit que soit c'est moi ou ton fils unique. Amen. You cannot love Christ and something else. Du kannst nicht Christus lieben und irgendwas anderes. Tu ne peux pas aimer le Christ et quelque chose d'autre. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You must hate all, including your life. Du musst alles hassen, auch dein eigenes Leben. Et tu dois tout détester, même ta propre vie. And you must hate all, including your money. Du musst alles hassen, auch selbst dein Geld. Tu dois tout détester, même ton argent. Amen. And money is life today. Weil Geld ist Leben für Leute heute. Parce que au monde ici, l'argent est la vie. Amen. Amen. If not, you cannot give it even to Christ. Sonst kannst du nicht mal Christus übergeben. Oui, sinon tu peux pas donner ton argent au Christ. Amen. Amen. You cannot give it to Christ until you hate it, that money. Du kannst Christus nicht übergeben, erst wenn du es Geld hast. No, this Martin. Jusqu'à ce que tu détestes Martin. Ton argent, tu ne peux pas le donner au Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Mark, Martin. Markus 10. Mark 10. Verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, sell whatsoever, sell all, everything you have, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. He said, give all. Gebe alles. And not some. Nicht nur einiges. Verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc Jésus nous dit qu'on doit tout laisser derrière nous et pas seulement certaines choses. Amen. Amen. If you do not hate your money, du dein Geld nicht hast, si tu ne détestes pas ton argent, you cannot give it to Christ. Du wirst Christus nicht übergeben können. Tu ne peux pas le donner au Christ. Amen. I'm not saying you cannot give it to people, but to Christ. Du wirst nicht Menschen geben kannst, sondern du wirst Christus nicht abgeben können. Ich ne dis pas que tu ne peux pas le donner à l'homme, mais je dis que tu peux le donner au Christ. Are you getting it? To give money to people and to give money to Christ are two different things. Menschen Geld zu geben und Christus Geld zu geben, ist das Gleiche. Donner ton argent à l'homme ou bien au Christ sont deux choses différentes. Amen. Mm-hmm. You know, if somebody come out in internet today and there, you know, there, whatever he says go viral, he will get money. Mm-hmm. And people will be donating from everywhere. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. But to give money into the house of Christ, for Christ's sake, is a big deal today. Mm-hmm. Are you getting it, please? Wenn heutzutage jemand irgendwas im Internet hochlädt, was Menschen als wichtig oder, keine Ahnung, als wichtig erachten, dann wird das überall ausgestrahlt und jeder wird es sehen und die Leute, die das ausstrahlen, werden sehr viel Geld daran verdienen, weil viele Leute dann dahin auch geben werden. Aber wenn es um Christus Jesus geht, gibt niemand, nicht mal seine Zeit, geben die Menschen dafür her. Et si par exemple, oui, l'homme met quelque chose à l'internet, par exemple, qu'il a besoin d'argent pour un projet, l'homme naturel est très vite, oui, de donner l'argent à ce projet, mais il s'agit jamais du Christ pour eux. Ils ne sont pas capables de le faire ou de faire la même chose pour le Christ, mais ils peuvent faire ils peuvent donner l'argent pour pour la chair, mais jamais pour le Christ. Amen. I am not saying giving money to your natural parents, natural family, brothers and sisters, your friends. Amen. Unbelievers, they do that also. Denn Ungläubige tun das auch. Amen. People do that. Religious people, the Muslim, they give money to people. They build church with their mosque or whatever. Even schools, hospitals. Are you getting it? Yeah. They give money, but what they cannot do is just be there for Christ Jesus. Und ich spreche auch nicht über Spenden an Arme oder an sonstige Leute oder ans Geben an Familie und Freunde, weil selbst Ungläubige tun das. Und beispielsweise Muslime, sie bauen Schulen, sie bauen Krankenhäuser, sie machen all diese ehrenamtlichen Dinge. Aber es geht nicht darum, es geht um Christus. Wer gibt für Christus und aus Christus heraus? Et il ne s'agit pas de faire un don aux parents naturels ou bien aux écoles, parce que toutes ces choses, même les musulmans, même les gens de ce monde peuvent le faire aussi, et puis ils sont même heureux de le faire, mais il s'agit de donner au Christ. Amen. It takes more, it's more than hate to give money to Christ Jesus. Es braucht etwas, was mehr ist als Hass, um für Christus zu geben. Et tu as besoin de quelque chose qui est plus grand que la haine pour donner au Christ. Just like it took what was more than hate for Abraham to give Isaac to God. Genauso wie es mehr als Hass gekostet hat, für Abraham seinen Sohn Isaac dem Herrn zu übergeben. Et même comme Abraham avait quelque chose qui est plus grand que la haine pour donner Isaac à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. To be there for a living church. Dafür zu sein für eine lebendige Gemeinde. Takes the power of the Holy Spirit. Braucht die Kraft des Heiligen Geistes. D'être là pour une église vivante, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. In a religious church, you don't need the power of the Holy Spirit to be there for them. In einer religiösen Gemeinde. Because they will just fear, I told you. They will just. Is the system of this world. Are you getting it? Da brauchst du nicht, die Kraft. You don't bless God, God will not bless you. Amen. Who can bless? Kraft. Who can be there for Christ? Even when you are not expecting anything as a return. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. In einer religiösen Gemeinde brauchst du nicht den Heiligen Geist, um das umzusetzen, was der Herr von dir möchte. Weil Angst wird dich dazu treiben, Dinge zu tun. Oder keine Ahnung, Scham wird dich dazu treiben, Dinge zu tun. Oder Stolz wird dich dazu treiben, weil diese Menschen eine Irrlehre verbreiten, die dafür sorgt, dass du aus fleischlichen Gründen dem Pastor vielleicht gefallen willst oder Jesus Christus versuchen willst zu gefallen. Donc c'est pas difficile de donner l'argent dans une église religieuse parce que là les gens font des choses à cause de la peur ou bien ils à cause de la doctrine qui dit si tu veux être béni tu dois donner l'argent à l'église, donc leurs motifs sont toujours charnels et mauvais. Mais qui est prêt de donner l'argent dans une église vivante sans attendre quelque chose de cet don? Amen. Amen. So give your money to Mark. En retour, oui. Amen. To give your money to man or religious churches. You don't need to hate your money. Um dein Geld religiösen Menschen oder Menschen money to hate your zu money. Geben, dafür brauchst du dein Geld nicht zu hassen, das zu tun. Et pour donner ton argent au pasteur religieux, tu n'as pas besoin de détester ton argent. You're giving them actually means you love your money. Dass du dahin gibst, heißt eigentlich so, dass du dein Geld liebst. Et que tu donnes ton argent dans une église religieuse, ça signifie que tu aimes ton argent. Because your message is a message of love. Weil die deren Botschaft ist die Botschaft des Gesetzes. Pasteur, parce que leur message est le message de leur message sont les messages de la loi. Ja, message is the message of fear. Ihre Botschaft ist die Botschaft der Angst. Et leur message sont les messages de la peur. If you don't give, God will not bless you. Wenn du nicht gibst, dann segnet dich der Herr nicht. Si tu ne donnes pas, là, Dieu ne va pas te bénir. Amen. Their message is based on what you do and give to Christ. Ihre Botschaft basiert auf dem, was du tust und an Christus gibst. Et leur message sont basés sur tout ce que tu fais, que tu fasses et que tu fais et c'est ce que tu donnes au Christ. Et ce que tu donnes au Christ. Amen. Their message is you give so that you can have more money. Dein, ihre Botschaft beruht darauf. You need more money. Gebe, damit du mehr bekommst. Leur message est toujours tu dois donner pour recevoir de plus. Amen. Our message is based on what Christ did for us. Aber unsere Botschaft beruht auf dem, was Christus für uns getan hat. Ne? Es geht um die Gnade. Mais notre message est basé sur l'œuvre du Christ. Amen. A living church message is based on grace and faith. Die Botschaft einer lebendigen Gemeinde basiert auf Gnade und Glauben, nicht Gesetz. Et le message dans une église vivante est basé sur la grâce et la foi et pas la grâce et la loi. Until you are of grace and faith, you can never love what Christ loves and hate what he hates. Erst wenn du zu Gnade und Glaube gehörst, kannst du das hassen, was Jesus hasst und das lieben, was er liebt. Et seulement quand tu appartiens à la grâce et la foi, tu peux jamais aimer ce que le Christ aime et détester ce que le Christ déteste. Under grace and law, it will be all about you. Amen. Gnade und Gesetz wird es um dich und deinen Vorteil gehen. Was bringt es dir, wenn du gibst? Was bringt es dir, wenn du das und das tust bei Jesus? Was ist mein Gewinn? Et si tu es sous la loi, il s'agit seulement de toi, donc ce que tu peux gagner de des choses que tu fais pour Dieu. Amen. Don't look at what you have done for Christ. Look at what he did for you. Schau nicht auf das, was du für Christus getan hast. Schau auf das, was er für dich getan hat. Amen. Ne vois pas ce que tu as fait pour Dieu, mais vois ce que Dieu a fait pour toi. Stop looking at what you have left for him. Look at what he left for you. Amen. Schau auf das, was du für ihn verlassen hast, sondern schau auf das, was er für dich verlassen hat. Amen. Et arrête de voir ce que tu as laissé pour le Christ, mais vois ce que le Christ a laissé pour toi. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No matter what, look at what he did for you. Egal was ist, and never schau auf das, what you was er getan hat und nicht, was du verlassen hast für ihn. Et n'importe ce que tu as laissé pour le Christ, tu dois jamais voir ce que tu as laissé pour le Christ, mais tu dois voir ce que le Christ a laissé pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So that is the message for today. Amen. Amen. Then I will quickly go into this very short one. Amen. That is about our journey. Our house in Lagos. Amen. About our house in Lagos. House is for everyone, all God's children. It's not for just a person. Dieses Haus ist nicht nur für eine Person, dieses Haus in Lagos, es ist für alle Kinder Gottes. Notre maison à Lagos, au Nigeria, est pour tous les enfants de Dieu, pas seulement pour une personne. Amen. Amen. It's not just for us here alone. Es ist nicht nur für uns hier alleine. Ce n'est pas seulement pour nous ici dans cette église. Amen. Cet endroit ici. Amen. The Lord wants it to be for all His children. Der Herr will, dass es für uns alle seine Kinder ist. If they accept, can be truly His children. Wenn sie wirklich seine Kinder sein können. Mais Dieu veut que cette maison soit pour tous les enfants de Dieu qui acceptent la vérité, qui sont vraiment les enfants de Dieu. And the Lord is going to go through people. Und der Herr wird durch Leute gehen. He is a spirit. Er ist Geist. Amen. He need people to go through. Er braucht Leute, durch die er gehen kann. Et Dieu va travailler à travers les gens, parce qu'il est, il est un esprit, puis il a besoin d'un vaisseau pour agir. Amen. And so many times he wants to go through people, and the people always reject and ignore him. Und oft will er durch Leute that gehen. Is how he goes through other things, other ways. Amen. Leute ignorieren ihn und dann muss er durch andere Wege gehen. Mais plusieurs fois, les gens ignorent la voix du Saint-Esprit. C'est ça pourquoi il a maintenant besoin d'un autre chemin. Amen. Amen. In the kingdom of heaven, we have a way of speaking. Im Königreich des Himmels haben wir eine Art zu sprechen. Au Royaume des Cieux, nous avons une manière de à parler. It is when people are not understanding it. If you go to John 11, go to John 11 and see what how Jesus spoke there. John 11. Wie Jesus dort gesprochen hat. Jean 11, on va voir comment Jésus-Christ a parlé ici. Amen. Amen. He said, "Where your treasure is, your heart will be there." Wo dein Schatz ist, so wird auch dein Herz sein. Là où ton trésor se trouve, c'est là où ton cœur sera. Amen. Amen. You cannot say something belongs to you when you are not even part of it. Du kannst sagen, etwas gehört zu dir, wenn du nicht mal Teil davon bist. Tu ne peux pas dire que quelque chose t'appartient si tu ne fais pas part de cette chose. Jesus said in Matthew 6, he said, "Where your treasure is, your heart will be there." Jesus sagt Matthäus 6, wo dein Because something, your Schatz something ist. Is there. That is why your heart is there. Wird auch dein Herz sein, weil your things are there. Ein Teil von dir da ist, deswegen wird auch dein Herz dort sein. Et Jean 6 nous dit, ton cœur va être là où ton trésor se trouve parce que tu cette chose t'appartient. Amen. Amen. And it also depends on how your heart, you know, your treasure, what you, your treasure that you have there also. Mm. Amen. If somebody has just 1 euro there, and somebody has 1 million there, they are two different treasures. Mm. Amen. And somebody that have 1 euro or 1 naira can just say, let me forget about it. Mm. But somebody that have real wealth there, we'll never forget that. It will be so hard. Und es kommt oft daran, auch darauf an, wie viel du da an teilhaft bist. Und ob du halt 1 Euro davon teilhaftig bist oder mehrere Euro davon teilhaftig bist, das wird auch zeigen, wo dein Herz ist. Und das wird dann auch zeigen, dass du dann eher jemand bist, der dann schnell abspringt oder jemand, der die Sache sehr ernst nimmt, weil er ja weiß, wie viel er da reingegeben hat. Et, comment je peux dire? Donc, c'est aussi important de savoir combien tu as dans cette chose. Parce que si, par exemple, tu as seulement 1 euro là-bas ou bien 10 millions d'euros, ça, tu vas aussi agir et réagir différent parce que tu sais que si, par exemple, tu as donné seulement 1 euro là-bas, là, ça ne va pas être important pour toi. Tu es même prêt de laisser cette chose derrière toi. Mais si tu as investi beaucoup dans cette chose là, ton cœur va être là et tu vas faire aussi tout pour soutenir cette chose. The days are getting near that we are going to Nigeria again. Die Tage nähern sich und wir sind bald wieder in Nigeria. Et bientôt on sera encore au Nigeria. And you know why we are going there. Und ihr wisst, weshalb wir dorthin gehen. Et vous savez pourquoi on part là-bas. Amen. Amen. And we all should be part of it, please. Wir sollten alle Teil davon sein. Et nous tous, on doit faire partie de ce projet. I'd like to speak our heavenly language. Ich liebe es, unsere himmlische Sprache zu sprechen. Je préfère d'utiliser notre langue céleste. Just like Jesus spoke his heavenly language. So wie Jesus seine himmlische Sprache gesprochen hat. Et comme Jésus-Christ a parlé ici notre langue céleste. Amen. From 11. Von 11. Jean 11, verset 11. He said, "This thing said he. And after that, he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth." Amen. Amen. He said Lazarus was asleep. Lazarus was sleeping. Amen. Amen. You can see the heavenly language. That's how we speak. Dans verset 1, Jésus nous dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, ça montre ici que Jésus-Christ, il a utilisé la langue céleste. But I go that I may wake him up out of sleep. Then said his disciples, 12. Lord, if he sleep, he shall do well. How be Jesus speak of his death? But they thought that he has spoken of taking of rest in sleep. Are you getting it? Mm-hmm. Jesus spoke how we speak in heaven. Are you getting it? Jésus a parlé comme on parle aux cieux. And they could not understand it. Und sie konnten es nicht verstehen. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Verse 14. 14. Then said Jesus unto them, plainly, Lazarus is dead. I don't know if you get it. Amen. Praise the Lord. Yeah. You know, the Lord is at work, does not mean we just fold our hands. Amen. Dass der Herr am Werk ist. He wants us to do something. Heißt nicht, dass wir einfach stillschweigen nichts tun, sondern er will, dass wir etwas tun. Dans verset 14, maintenant Jésus-Christ a dit à Lazare et moi pour que les disciples comprennent ce qui se passe. Et seulement parce que Jésus-Christ travaille et qu'il fait tout, ça ne signifie pas qu'on doit être paresseux et rien faire. Amen. Every time I'm speaking with people, I speak heavenly language, especially with the kingdom family. Amen. Christ family. Amen. Spreche ich die himmlische Sprache, besonders bei den Kindern Gottes. Et toujours quand je parle, j'aime utiliser la langue céleste, surtout quand il s'agit des enfants de Dieu. You can see they forced Jesus to speak earthly, to speak like Jesus men. Gezwungen, so wie Menschen zu sprechen. Er wurde gezwungen, weil sie nicht verstanden haben, was Sache ist. Et on peut voir comment les disciples ont poussé Jésus-Christ d'utiliser maintenant la langue terrestre parce qu'ils n'ont pas compris la situation. Amen. Amen. Let us understand our heavenly language. Lass uns bitte die himmlische Sprache verstehen. On doit comprendre notre langue céleste. And let us move as the Lord directs us. Und lass uns so wandeln, wie der Herr es will, und aufhören, Zeit zu verschwenden. Et on doit agir selon le Christ et puis arrêter de gaspiller ou bien perdre notre temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 9, look at verse 9. Verse 9. And Jesus answered. Okay, let me read from verse 8. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? They want to kill you, and you are still going there again. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumble not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. Mm-hmm. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Let us listen to Christ. Lass uns Christus zuhören. And do his work in peace. Und sein Werk tun. Und da obéir au Christ puis oui faire son œuvre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close for today, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On Sunday, there's a message the Lord wants to.